ce sera de faire la fête. Sinon, rien ne sert à rien. Tu vois, nous, la débile, un rien nous fait serrer le poing. J'ai l'air de et d'assez, mais je klaxonne pour presque rien. Je n'ai pas du tout le profil. Je donne du sang, j'ai même donné un rein. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un est satisfait? Mais ça rend fou, fait la file. Sinon, rien ne sert.